Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la première édition de cette soirée du 29 novembre 2021. Voici tout de suite les grands titres. Les commerçants du marché de Kamengé récemment réhabilités sont contents de pouvoir reprendre leurs activités très prochainement, mais certains d'entre eux trouvent plutôt que les espaces leur réservés sont exigus. Reportage à suivre dans ce journal. Et plus de 22 000 jugements n'ont pas encore été exécutés par la Commission nationale des terres et autres biens. Alors que son mandat touche à sa fin, vous entendrez les explications du porte-parole de la CNTB. Un ravin se trouvant au quartier Guissou en commune Mouhaï qui s'agrandit, surtout en saison de pluie, inquiète les habitants de la localité. L'administration communale affirme n'avoir pas de moyens pour prévenir l'irréparable et s'en remet à la mairie de Bujumbura. Des jeunes de la colline Mouhouéza en commune et province Tchankouzo réclament la parole au cours des auditions publiques sur les crimes du passé. Elie Nibel Nibigira les rencontre pour nous. Il viendra nous en parler. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonsoir. Plus de 22 000 jugements n'ont pas encore été exécutés par la Commission nationale de terres et autres biens alors que son mandat touche à sa fin. Au cours d'une conférence de presse lundi, le chargé de la communication à la CNTB, Daniel Ngendakumana, a indiqué que le sort de ces procès est réservé à l'État. On l'écoute. C'est aux institutions habilitées de déterminer où s'achemineront les procès restants une fois que la commission aura terminé son mandat, que ce soit dans les juridictions ordinaires ou les juridictions spécialisées, comme celle de la CNTB, où se dirigeaient ceux qui n'étaient pas satisfaits des jugements rendus par la CNTB. Mais en attendant cela, prenons que tous les procès de la population que détient la CNTB, si son mandat ne sera pas renouvelé, ces procès seront exécutés par l'État. Je sais que l'État saura comment satisfaire les besoins de la population. Au niveau national, nous avons 22 864 procès non encore exécutés. Parmi ces derniers, plus de 19 000 concernent les provinces de Makamba et Rumonge. Ce sont des provinces qui ont connu des événements tragiques. C'est pour cela que ces provinces ont un nombre élevé de dossiers relatifs à la terre. Le porte-parole de la CNTB, Daniel Ngendakumana, traduit par Moïse Misago. Et certains habitants du quartier de Guissou en commune Mouha sont inquiets du ravin qui s'agrandit au jour le jour, surtout pendant la saison pluvieuse. Ceux qui habitent ses alentours craignent des accidents et l'écroulement de leur maison. Ils demandent aux autorités d'aménager ce ravin dans l'urgence. Du côté de l'administration de la commune Mouha, on dit que le problème est connu et a été soumis au niveau supérieur de la mairie, car la commune n'a pas de moyens. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Ce ravin qui sème la panique au sein des communautés de la zone Kanyosha se trouve dans le quartier Guissou, à côté de l'école conviviale et le cimetière de Kanyosha. Les habitants disent que ce ravin s'agrandit du jour au jour quand il a plu. Les problèmes qui se trouvent ici, vous voyez que ça peut toujours écouler toute cette tombe ici. Bientôt, ça va progresser jusqu'ici. Ça va faire des problèmes avec ces écoles, avec toutes ces habitations ici. Là-bas derrière, si tu regardes très bien, il y a une maison qui s'est écroulée dans le ravin. Ce ravin s'accroît et menace nos maisons. Les personnes enterrées dans cet endroit sont emportées par ce ravin. Leurs ossements sont déjà déterrés. Nos enfants jouent avec ces restes humains et si on ne fait pas attention, ils peuvent tomber dans ce ravin. Il demande aux autorités de tout faire pour intervenir à temps afin d'éviter les dégâts qui peuvent arriver. L'État est au courant. Il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça ne progresse plus vers ici. Il faut que le gouvernement fasse le plus possible. Nous demandons aux autorités de tout faire pour réhabiliter ce ravin avant que les écoles soient emportées, car les écoles sont importantes pour nous. L'administration communale d'Omouha dit être au courant de ce ravin. Le conseiller technique chargé des affaires économiques et développement, Veniste Ndabagoye, dit que cette question a été déjà soumise à leur supérieur de la mairie. Nous sommes au courant de ce ravin qui se situe en dessous du lycée de la convivialité, juste en bas de la zone Kanyosh. Les habitants environnants nous ont alerté qu'il y a un ravin qui se déglande avec une grande allure et que s'il y a donner fin à les maisons et la population aussi, elle reste démunie. Nous avons déjà arrêté en eau supérieure. Justement, aujourd'hui, la commune n'a pas de moyens pour résoudre son problème. Ce ravin dont ses habitants parlent vient de passer plus de 2 ans sans être réhabilité. Jean-Marie Mayonga, il existe un lieu où on jetait les filles tombées enceintes, des filles de tout le pays, et ce lieu s'appelle Igisumanyenzi. Il se trouve sur la colline de Banga de la commune Matongo en province Kayanza. Certains habitants proches de cet endroit disent que les filles étaient victimes de violences. L'historien Emile Moroha explique que ce lieu a existé dans le passé, mais il trouve que c'était une façon de persuader les jeunes filles du danger des grossesses en bas âge et surtout hors mariage. Lydie Gahimbare. Nous sommes sur un sentier allant vers le lieu dit Igisumanyenzi où on jetait les filles engrossées. Sur ce sentier, on ne voit pas l'indication de ce lieu touristique. Arrivé sur cet endroit, on voit un lot fossé. Certains des habitants de cette localité racontent que dans l'histoire, on amènerait sur ce lieu des filles enceintes venant de différentes localités du pays. Selon Hagzimana Claudette, une femme de cette localité, dit que les filles de cette époque étaient malmenées. Pour Jérémy, un des élus locaux, demande à l'État d'aménager ce lieu touristique pour y tirer profit. Émile Ngoruha, historien, affirme l'existence de ce lieu touristique dans la littérature burundaise, mais selon lui, c'était le moyen de persuader les jeunes filles. Si on dit que ce lieu est à Banga et qu'il est dans la littérature, on ne peut pas nier qu'il a existé. Mais quelle est sa fonction? Quelle est la fonction de ce lieu? La fonction de ce lieu, me semble-t-il, c'est un lieu pour éduquer les jeunes filles pour dissuader, une forme de dissuasion pour que les jeunes filles ne se méconduisent pas et que les parents donc puissent se servir de l'existence de ce lieu pour éduquer les enfants. Il ajoute que la colline Banga a d'autres rituels dans l'histoire, entre autres le tambour spécial intitulé le tambour de la paix. Merci Lydie Gahimbare. Les commerçants du marché de Kamenge récemment réhabilité après son incendie en octobre 2020 sont contents de pouvoir reprendre leurs activités très prochainement. Pour l'instant, ils sont occupés à construire leurs stands, mais certains qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros trouvent plutôt que les espaces leur réservés sont étroits. Reportage Ornella Mouch. À ce marché récemment réhabilité de Kamenge, l'on constate d'une façon générale qu'il n'est pas encore fonctionnel. Des travaux de construction des kiosques métalliques sont toujours en cours. Toutefois, la construction des échoppes et des hangars est déjà terminée. L'autre constat, l'infirmerie qui est disponible pour les commerçants de Kamenge en cas de maladie. Ils ont également mis en place un dispositif sur certaines entrées pour appuyer des camions extincteurs en cas d'incendie. Les commerçants disent être satisfaits de retrouver leur marché. Toutefois, certains déplorent l'étroitesse des stands d'1 mètre sur 1 mètre. Nous remercions le bon Dieu en premier lieu. Deuxièmement, aux différentes autorités du pays, dont le président de la République et ses collaborateurs. C'est la première fois que le marché soit réhabilité en 1 année seulement. Le coût de construction est élevé et c'est pourquoi nous n'avons pas encore finalisé les travaux. À part ça, nous sommes très reconnaissantes envers le gouvernement qui a eu cette belle initiative. Avant, nous étions éparpillés dans différents coins. Certains commerçants viennent encore consulter les listes d'affichage. Les défis liés au manque de place concernent les commerçants qui n'étaient pas enregistrés, comme le souligne le président du comité des commerçants de Kamenge. Ceux qui n'ont pas eu de stand sont ceux qui n'étaient pas enregistrés, qui s'installaient autour du marché. Et ils sont nombreux. Mais l'État leur a promis de leur chercher des places dans d'autres marchés. À ce même marché, l'on constate aussi la mise en place de l'agence Bankobo, ce qui n'était pas le cas avant. Les commerçants de certains articles comme les habits et les accessoires de téléphones mobiles ont déjà commencé leur travail. Ce marché, qui a pris feu le 3 octobre 2020, a été inauguré samedi dernier par le président de la République. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains affiliés de la mutuelle de la fonction publique en Muyinga disent qu'il est très difficile d'obtenir la carte biométrique. Selon eux, cela exige le déplacement de tous les membres de famille et par conséquent beaucoup de dépenses. Ils demandent le déploiement des agents de la mutuelle dans les communes. La mutuelle de la fonction publique en tranquillise. Seuls les affiliés de Bujumbura doivent se munir de la carte biométrique avant la fin de cette année. Anosiat Sendazilassa, directeur général, fait savoir que dans les provinces, la distribution se poursuivra même l'année prochaine et que des guichets seront ouverts dans les communes. Pierre Claver, Barundi. Avoir la carte biométrique de la mutuelle de la fonction publique n'est pas chose facile pour la plupart des fonctionnaires de Muyinga. Ils sont obligés de se déplacer avec tous les membres de famille vers Ngozi, l'agence la plus proche, et cela exige des dépenses énormes. Cet enseignant de Guiterani explique le problème. C'est un casse-tête parce que de Guiterani vers Ngozi, c'est estimé, disons, à 13 000. C'est-à-dire de Guiterani à un point très éloigné de la commune, par exemple, à Chagakori, vers Muyinga. C'est 7000 si le carburant est disponible. Do Muyinga à Ngozi, c'est 6000. Total, c'est 13000. Aller-retour, c'est 26000. Bien entendu, on ne peut pas passer toute la journée entière sans mettre quelque chose sous la dent. Il faut au moins, disons, 3000. Ça fait aux environs de 29000. Prenons une famille de ce type de personnes, c'est plus de 200000. Une famille qui vit normalement ne peut pas avoir 200000 sans problème. Pour nous, on risque d'abandonner, de laisser. D'où il demande que la mutuelle déploie ses agents dans les communes. Nous demandons à la mutuelle d'envoyer les agents comme ils le faisaient avant pour acheter nos mutuelles chaque année ou après 2 ans, afin de nous aider à ne pas dépenser trop ou bien nous mettre dans une situation impassable. La direction générale de la mutuelle tranquillise. La distribution de cette carte se poursuivra dans les provinces même l'année prochaine. Annonciate Sendazilassa. Il faut vraiment qu'il puisse être serein, calme. Nous allons continuer de donner les cartes biométriques aux affiliés de la mutuelle à l'intérieur du pays, même l'année prochaine. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons que 3 agences. Nous avons les multipliés à partir de l'année prochaine, mais aujourd'hui, nous n'avons que 3 agences, Ngozi, Bururi et Gitega. Toute la population de l'intérieur du pays ne peut pas avoir vraiment pour cette année les cartes biométriques. Je pense que c'est difficile de se déplacer. C'est pour cela que nous leur disons rester serein, calme et aller dans ces agences-là, dans ces 3 agences, en attendant que nous augmentions les agences et que nous allions même ouvrir les guichets et pharmacies dans les communes. Toutefois, elle déconseille le flux des fonctionnaires qui quittent les provinces pour se rendre à Bujumbura à la recherche de cette carte. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver Barundi. Les jeunes filles de la colline Mouhueza en commune de Provence Tchangouzo souhaitent la participation aux travaux de recherche de la vérité et la réconciliation. Des informations à leur disposition font état de génocide contre les Hutus, les Tutsis dans le passé. Ils réclament la parole de façon suffisante au cours des séances d'audition publique sur les crimes du passé. Eli Nibel Nibigira les a rencontrés. Ils sont tous âgés d'au moins de 20 ans. Ces jeunes trouvent que les informations sur les événements malheureux du passé à leur disposition ne suffisent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a eu un génocide, soit contre les Hutus, soit contre les Tutsis, mais ils sont hésitants. C'était un génocide contre Hutus ou Tutsis, d'après ce que j'ai entendu. Je crois que cela a été à l'origine de l'assassinat de mes parents, mais je n'en sais pas grand-chose. Moi aussi, j'entends parler de Hutus ou de Tutsis. Moi, j'ai entendu parler de mes parents qui ont été en exil suite aux conflits et guerres interethniques en 1972. Moi, le maudit que la guerre s'est arrêtée en 2005, je ne suis pas sûr. Ce jeune de 19 ans souhaite que les opinions des jeunes en ce qui est de la justice traditionnelle aient une place considérable. Ils peuvent aussi approcher nous les jeunes afin que nous puissions nous exprimer. Ils passent la parole parfois aux autres et l'on nous en prive alors que nous avons une opinion à exprimer. Selon Pierre Claver Ndayichalié, président de la commission Vérité et Réconciliation, ces jeunes devraient bénéficier des enseignements sur la paix et la cohésion sociale. Ces jeunes sont informés sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation, afin que nous tous reconnaissions que nous partageons la patrie et ce qu'ont fait leurs grands-frères et leurs parents ne doit pas être un passé à oublier, mais plutôt une leçon. Jusqu'aujourd'hui, dans ses travaux, la Sévère affirme travailler sur les tragédies de 1972. Radio Isanganiro, chronique sport. Les amateurs du football sont mécontents du fait que le Burundi est actuellement incapable d'abriter des compétitions internationales suite au manque de stades respectant les normes internationales. Jean-Gilbert Kanyenkore, alias Yaoundé, entraîneur, fait savoir que lorsque des joueurs jouent les matchs internationaux devant leurs supporters, ils remportent plus souvent la victoire. Ils demandent aux instances d'habilité de trouver une solution à ce problème en construisant au moins un stade qui respecte les normes. Balen Havdarimana. Les amateurs de football sont tous mécontents quand leur équipe nationale ne peut pas jouer à domicile suite au manque de stades respectant les normes internationales. C'est l'explication de Jean-Gilbert Kanyengore, alias Yaoundé, ancien entraîneur de l'équipe de Vital UFC. Ça, c'est le cas de maintenant où on n'a pas de terrain de recevoir des équipes étrangères. Je vous assure, ils sont tous mécontents. Ils sont là pour injurier les gens. Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi? Ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? Parce qu'un stade, ne t'en fais pas, un stade coûte beaucoup d'argent. Pour trouver solution à ce problème, cet entraîneur demande aux instances et habilités de donner la priorité au sport. Il ne faut pas de toutes les façons qu'on continue à chanter cela, qu'il y a d'autres priorités. Mais le sport, c'est une des grandes priorités. Ce n'est pas parce que je suis sportif que je dis ça. Le sport, c'est vraiment une grande priorité dans un pays. Ça fait que les gens se côtoient, les gens s'aiment, les gens... C'est ça, donc c'est une des priorités qu'il faut aussi donner du poids. Jean-Gilbert Kanyengore demande également l'implication de chacun pour que le Burundi puisse construire au moins un stade qui respecte les normes internationales. Ici au Burundi, le pays n'est pas aussi vaste, de construire deux ou maximum peut-être trois stades en attendant, parce que tout ne vient pas en même temps. Ça coûte beaucoup d'argent, ne vous en faites pas. Et le Burundi a d'autres priorités quand même. Mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, demander, chercher des gens qui peuvent nous aider. Il y en a eu toujours. Et qu'on construise d'autres stades, et comme ça on pourra s'en sortir. Des stades qui peuvent accueillir d'autres équipes, d'autres pays. Quoi. La décision de suspendre les matchs internationaux pour le Burundi suite au manque de stades respectant les normes internationales a été prise début mars 2020 par la Confédération africaine de football. Balen Havdarimana, et c'est sur cette chronique que nous bouclons ce journal. Mais je rappelle que les commerçants du marché de Kamenge et Rissama Réhabilité sont contents de pouvoir reprendre leurs activités très prochainement. Mais certains d'entre eux trouvent plutôt que les espaces réservés sont exigus. Et plus de 22 000 jugements n'ont pas encore été exécutés par la Commission nationale des terres et autres biens, alors que son mandat touche à sa fin. Un ravin se trouvant au quartier Guissio en commune Mouha et qui s'agrandit, surtout en saison de pluie, inquiète les habitants de la localité. L'administration communale affirme n'avoir pas de moyens pour prévenir l'irréparable et s'en remet à la mairie de Bujumbura. Et vous l'avez suivi, des jeunes de la colline Mouraisa en commune et Provence Tchankouzo réclament la parole pour qu'ils puissent s'exprimer au cours des auditions publiques sur les crimes du passé. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, le prochain rendez-vous, c'est à 22h.